Chapitre 5e. Le feu d'artifice de Fritz Lebeg. Un bruit de roues cahotantes coupé de claquements de fouet. Cela s'approchait de plus en plus. Puis une voix d'homme chanta. À l'entrée du camp, les sentinelles étaient attentives. Bill leva la tête et écouta, rêveur. Celui qui passait ainsi tout près du camp était un homme libre. Il chantait une vieille chanson pour tromper le temps pendant qu'il regagnait son foyer. Et là, quand il aurait la tête sur l'oreiller, il pourrait rêver au lendemain. Le joyeux compagnon avait encore des matinées devant lui. La mort ne le menaçait pas. Pendant qu'il rêvait ainsi, ne voyant autour de lui que l'impossibilité d'agir, on entendit crier « Halte, qui vive ?»« Ami » répondit-on à voix très haute. « Êtes-vous toqué ? Connaissez-vous papa Fritz Lebeg ?» Tout le corps de garde fut en révolution. « Hourra pour Fritz Lebeg ! Il va y avoir de bonnes farces !» Les sentinelles étaient restées la baïonnette croisée, mais elles baissèrent leurs armes pour laisser entrer dans le camp, avec de grands claquements de fouet, une jolie carriole bien vernie qui s'arrêta tout de suite devant le feu. « Qu'est-ce qu'il y a de cassé ?» demanda le sergent commandant le poste en se glissant hors de sa tente. « Qui va là au nom du diable ?»« Ne jurez pas comme un païen, sergent Wilkes !» C'est encore moi, Fritz Lebeg. » Tout le monde éclata de rire à grand bruit. Les soldats se pressèrent de toutes parts autour du dernier venu. Quant à Bill, il lui fallut lever la tête et jeter un coup d'œil sur l'homme. Son esprit, déjà mort au monde, eut une sensation bizarre. Il crut voir comme en songe une haute et robuste figure, et en même temps il sentit passer autour de lui l'air du foyer natal. Il ne savait pas pourquoi. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais vu auparavant ce gaillard maladroit et mal dégrossi qui venait de descendre de sa voiture avec des façons si drôlatiques. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ramener ses yeux sur cet homme qui avait si complètement l'air d'un simple d'esprit et qui acceptait avec gaieté toutes les lourdes plaisanteries des soldats pressés autour de lui. Qu'est-ce qui lui paraissait donc si remarquable dans ce grossier compagnon, et comment un souffle du foyer domestique lui venait-il avec sa présence ? À ce moment, ce lourd ridicule se plaça dans la clarté même du feu, et jetant sur le prisonnier un regard rapide où rien ne se pouvait lire, il frotta au-dessus de la flamme ses mains visiblement engourdies. Jeunesse, j'ai terriblement faim, dit-il dans un bafouillage extraordinaire. Qui de vous me donne quelque chose à manger? Ça sent diablement bon chez vous. Un nouvel accès de rire courut dans tout le cercle. « Hourra pour Fritz Lebeg ! Qu'as-tu rapporté, mon vieux ?»« Je parie sa bienheureuse gaboche qu'il a du tabac. »« Que le ciel nous protège, son tabac pue autant que lui !» C'est ainsi que les soldats riaient et plaisantaient brutalement, se renvoyant la balle de l'un à l'autre. Ils s'étaient installés autour de l'innocent, près du feu. Quelques-uns s'étaient, malgré ses protestations, emparés d'une caisse qu'ils avaient sortie de la voiture et qui contenait toutes sortes de marchandises comme celles que les colporteurs ont coutume d'avoir. « Jeunesse, soyez sage !» supplia l'innocent avec une physionomie si piteuse que ses grossiers clients riaient aux larmes. « Déballe, Fritz Lebeg, on te montrera de l'argent comptant. »« Oui, mais examinez bien d'abord ce que le drôle apporte. Il ne nous dupera plus comme la dernière fois. » Voyez le fripon, il en a gros comme le poing derrière les oreilles. » Et une chiquenaude ou une claque, bien appliquée à cet endroit saillant et sensible de son individu, le faisait tressauter sans qu'il se fâchât. Cependant, Bill était soudain secoué comme d'un frisson de fièvre. Il eut besoin de sa force sur lui-même pour ne pas laisser échapper un cri. Le déguisement sous lequel son vaillant camarade avait réussi à leurrer les soldats balourds ne le trompait plus. Un seul regard plongé dans les prunelles grises de Fritz Lebeg, au moment où celui-ci envoyait furtivement de son côté un coup d'œil oblique, lui avait donné l'explication de la vraie personnalité cachée sous ce masque d'innocent. Bob le sauvage s'était introduit dans le camp. Il était venu pour sauver son ami. Mais Seigneur, comment tout cela était-il possible? Bill se sentait rempli de mille sentiments contraires qui le bouleversaient. Dans la chaleur de sa reconnaissance, il aurait voulu faire comprendre à son ami le plus cher, par un cri du cœur, que malgré son déguisement, il l'avait reconnu, et qu'il savait dans quel généreux dessein il se risquait au milieu du camp des ennemis. Mais Bill se garda bien de se trahir, lui et son ami, Pas un muscle de sa face ne tressaillit, et les sentinelles qui l'épiaient ne purent concevoir aucun soupçon. En même temps, un nouveau souci venait s'ajouter à tous ceux qui le tourmentaient déjà. Pauvre cher Bob, il avait entrepris là une chose impossible à mener à bien. Rien ne pouvait arracher le condamné à mort à la puissance supérieure de l'ennemi. Chercher à le sauver, c'était, pour qui le tentait, sacrifier sa vie inutilement, car il n'avait pas la plus faible chance de réussir. Pendant que Bill roulait ses pensées dans son esprit, il aperçut une figure sombre qui, à la lumière du bivouac, prenait des aspects fantastiques. C'était Don Ramiro. « Qui êtes-vous ? » demanda le sang mêlé au prétendu colporteur. « Comment êtes-vous venu dans le camp ?»« Dans ma voiture ?» affirma Bob au milieu de rires qui ressemblaient à des mugissements. Vous avez peut-être quelque chose à objecter, mon bon ami ?» Ce disant, il tira de sa poche un brûle-gueule, le bourra de tabac et l'alluma avec un tison pris au feu. Puis il se mit à souffler d'épaisses bouffées de fumée au visage des assistants et à ricaner à la façon des idiots. Ça sent cette fois, hein, jeunesse ? Bégaya-t-il bientôt avec une mine comiquement réjouie. Ça sent joliment, n'est-ce pas, jeunesse ? Tabac, ça ! Seulement un quart de dollar le paquet ! Raisonnable, en diable, ce prix-là. Les soldats criaient plutôt qu'ils ne riaient. Quelques-uns avaient dû s'asseoir et montrer des faces rouges comme des cerises trop mûres. D'autres se tenaient le ventre et, comme on dit, se tordaient. Don Ramiro lui-même ne pouvait complètement dissimuler la trace d'un faible sourire que l'aspect ultra-comique du bègue avait réussi à amener sur ses traits de bronze. Néanmoins, il se tourna vers le sergent commandant le poste et, appuyant son geste d'un mot plus énergique qu'élégant, l'emmena à l'écart à quelques pas de là. « Quel est ce drôle ?» gronda-t-il à voix basse. Le sergent eut de la peine à réprimer son faux rire pour lui répondre. « Un idiot inoffensif. Il a déjà passé au camp toute une semaine. Il plaît aux soldats avec son affreux tabac, ses boutons, ses bibelots de toilette et autres bagatelles semblables. Il s'amuse à lui battre ses longues oreilles pour en faire sortir de la fumée, et il trouve ça charmant. » Mais je crois que, tout fou qu'il est, il fait de bonnes affaires, sans quoi il ne serait certainement pas revenu. Ainsi, ce n'est pas un espion ni quelqu'un de suspect, insista Don Ramiro sans cesser d'observer de son regard aigu l'innocent qui luttait de plaisanteries salées avec les soldats. On ne peut rien penser de pareil, seigneur. Voyez seulement la tête de mouton imbécile qu'il a. Forrest lui-même est devenu de toutes les couleurs à force de rire quand il l'a vu, et il n'est sûrement pas commode à faire rire, celui-là. Ainsi, il lui a permis de séjourner dans le camp ? Pas exactement, mais il n'a rien dit contre ça. Cette réponse ne parut plaire qu'à demi à Don Ramiro. Il s'avança vivement vers le soi-disant colporteur. « Attention là, mon garçon » dit-il, l'accent impérieux. Mais Fritz le Bègue était si occupé à vanter son tabac, qui infectait l'air au loin, que le sang mêlé dut lui donner une violente bourrade dans le flanc avant de parvenir à se faire entendre. « Je vous ai déjà demandé d'où vous venez ?» fit-il l'air hostile. « Je crois que vous êtes un Yankee déguisé. Eh bien quoi ?»« Damnés soient les Yankees !» dit Fritz le Bègue en s'étranglant, tout rouge de fureur et d'indignation. « Je ne veux rien savoir de vous. Vous êtes un damné coquin et c'est vous le Yankee !» On vit sur le front de Don Ramiro la veine de la colère se gonfler, menaçante, et ses yeux lancèrent des éclairs. « Canaille, tu vas immédiatement rétracter cette ignoble injure !» fit-il en grinçant des dents. « Non, je ne ferai pas ça !» dit l'idiot en bégayant affreusement. En même temps, il faisait une horrible grimace qui fournit aux soldats ample matière à une nouvelle salve d'éclats de rire. « Tu oses me défier, misérable ?» cria Don Ramiro. « Pourquoi ne veux-tu pas retirer le mot ?»« Parce que je suis tout guilleré de l'avoir dit une bonne fois !» conclut Fritz le Bègue au milieu des rires retentissants des soldats. Conciliateur, le sergent s'approcha de Don Ramiro, courroucé. « Monsieur, ne vous commettez pas avec lui. Il ne sait au juste ni ce qu'il dit ni à qui il parle. Soyez convaincu que c'est un idiot inoffensif. Voyez seulement comme mes jeunes gens se délectent de son tabac. Ça pue comme si le diable se promenait à travers le camp après avoir pris un bain de soufre. » Il se dirigea vers le Bègue, qui, sans se troubler le moins du monde, faisait des affaires très actives avec les soldats et lui appliqua une bonne claque sur l'épaule. « Eh bien, mon vieux, ça va-t-il ? Que le diable emporte, les Yankees. C'est vrai, hein, tu ne les aimes pas. » Je les aime beaucoup. Je voudrais les manger. Dis-moi, mon garçon, pourquoi ne prends-tu pas du service chez nous plutôt que de traîner cette misérable vie de colporteur? Tu es grand et fort, et avec les os que tu as, tu pourrais être utile à ta patrie. Fritz Lebeg regarda le sergent avec de grands yeux, comme s'il tombait directement du ciel. Je ne peux pas supporter de tirer un coup de fusil, dit-il avec une voix de poule qui glousse. Je suis trop faible de la poitrine, et ça me donne des crises de nerfs et des convulsions. Et n'avez-vous pas remarqué que je suis un peu bègue? Alors si j'étais dans une bataille, je n'aurais pas le temps de crier grâce une fois avant d'être égorgé. Le sergent lui tourna le dos en riant. Une âme de héros, n'est-ce pas, monsieur? Demanda-t-il à Don Ramiro. Dommage que les damnés Yankees ne soient pas tous de la même étoffe. Nous nous chargerions de les nettoyer. Don Ramiro, que ce spectacle n'intéressait plus, s'éloigna. Ses derniers soupçons s'étaient évanouis. Il était maintenant convaincu de n'avoir réellement en face de lui qu'un misérable paillasse, lâche par-dessus le marché, qui s'enfuirait au premier coup de feu, loin d'avoir envie de risquer sa vie à faire le métier d'espion. Aussi personne du poste n'empêcha-t-il Fritz Lebeg de s'engager plus avant dans le camp après qu'il eut colloqué aux soldats une bonne quantité de paquets de tabac et de bimbeloteries sans valeur. Fritz Lebeg s'avança donc avec sa caisse le long des rues du camp. Partout où il s'entendait appeler, il s'arrêtait et commençait à vanter ses marchandises avec un bégaiement qui aurait attendri des pierres. Naturellement, les soldats se moquaient bravement de lui et lui faisaient des niches de toutes sortes. Mais le bon Beg n'en prenait aucune offense. Il riait de bon cœur, au contraire, des lourdes plaisanteries que lui valaient son aspect et ses défauts physiques, et son contentement redoublait le rire des soldats. De sorte que partout où Fritz Lebeg se montra ce soir-là dans le camp, la gaieté fut grande et durable. Il ne vint la pensée d'aucun des rieurs que ce Beg, simple d'esprit en apparence, était en réalité un curieux qui épiait leurs paroles et dont les plaisanteries tendaient toutes, non sans succès, à leur faire dire ce qu'ils voulaient savoir. Enfin la retraite sonna. Le calme et le silence régnèrent bientôt dans le camp. Les soldats durent aller prendre un repos qui, pour cette fois, ne pouvait être bien long puisque dès les premières lueurs grises du matin, l'espion condamné à mort devait être pendu devant les troupes assemblées. Fritz Lebeg s'en revint donc doucement vers le grand poste. Il choisit pour revenir une rue du camp qui était vide de soldats. Des voitures s'y pressaient les unes contre les autres. C'étaient de solides caissons qui recelaient toute la provision de poudre et de plomb portée sur les registres de l'intendance. À l'entrée de cette rue allait et venait une seule sentinelle. Ce soldat avait sommeil et ne gardait pas exactement sa faction. Aussi n'aperçut-il pas Fritz Lebeg au moment où celui-ci s'y engageait brusquement et où, après avoir soigneusement regardé autour de lui, il se jetait à plat ventre. Le soldat négligent aurait été bien surpris de l'avoir laissé passer, mais il eût été plus surpris encore en voyant la manœuvre à laquelle le vaillant Fritz commençait à se livrer. Il se mit à ramper sur le ventre à la manière des reptiles jusqu'au caisson le plus proche où il s'arrêta. Il se releva alors sans bruit et chercha en tâtonnant la porte de la voiture. Il rencontra une serrure, mais cela ne parut pas le troubler beaucoup. Il y travailla à tâtons pendant un moment, au bout duquel il eut un petit clic-clac. Il sembla, dans l'obscurité, que la porte de la voiture de munitions s'ouvrit et qu'une longue forme humaine y pénétra prudemment. Quelques instants plus tard, Fritz Lebeg reparut. La sentinelle lui tournait le dos. S'il avait pu voir par derrière, quelle n'eût pas été sa stupéfaction. L'innocent s'avançait dans la rue le long des caissons. Il s'inclinait devant chacun d'eux et y attachait une ficelle qu'il traînait derrière lui et qu'il enduisait au préalable d'une poudre noire prise dans un grand cornet. À la fin cependant, la sentinelle l'aperçut de ses yeux ensommeillés. « Es-tu devenu tout à fait toqué, Fritz Lebeg ? » cria-t-il en étouffant un bâillement. « Est-ce par là que tu t'en vas au corps de garde ? Que farfouilles-tu donc sous ce caisson ? J'ai perdu un paquet de tabac. Il a dû rouler sous la voiture. N'as-tu pas une torche pour que je puisse m'éclairer ? » Le soldat se mit à rire. « Espèce de lunatique, répondit-il. Ce serait du propre de nous faire sauter tous en l'air pour un paquet de tabac. Il y a des centaines de livres de poudre, têtes de mouton. Je n'ai jamais demandé ton nom !» cria Fritz le Bègue en colère. Se disant, il se baissait encore sous prétexte de chercher son paquet de tabac. Le fait est qu'il nouait à la roue de derrière du dernier caisson le bout de la ficelle avec laquelle il avait relié toute la file des voitures et qu'il répandait sur ce qui en pendait à terre le reste du contenu de son cornet qu'il avait rempli de poudre dans le caisson fracturé par lui. « Ce n'est pas tout ça. Avance à l'ordre, dépêche-toi, gredin !» lui cria le soldat, d'humeur peu endurante. Fritz le Bègue, arrivé devant lui, fit mine de s'incliner timidement. Mais le soldat lui lança un solide coup de pied et éclata de rire en voyant le pauvre innocent ainsi maltraité donner des signes d'effroi les plus comiques et enfiler en courant la rue qui conduisait au grand poste. La plupart des soldats du poste s'étaient étendus pour dormir. Les hommes de service seuls faisaient silencieusement leur ronde. Le sergent était couché sur le dos, la tête sur sa musette. Il contemplait, encore éveillé, le bel ordre de l'armée des étoiles qui étincelait dans le ciel. « Va dormir et dépêche-toi, jeune homme !» C'est par ces mots qu'il accueillit Fritz le Bègue. Il ajouta « Le diable sait que je t'avais tout à fait oublié. À vrai dire, tu n'aurais pas dû rester la nuit dans le camp. Allons, couche-toi quelque part devant le feu. » Il bâillait et regardait le grand corps pâteux de Fritz avec des yeux chargés de sommeil. « Pas là » cria-t-il soudain d'une voix violente mais assourdie en se levant brusquement. « C'est là qu'est notre espion, tête de sot. Tu veux peut-être changer avec lui plus tard, quand l'heure de la pendaison sera venue ?» Avec des mines effrayées, irrésistiblement comiques, Fritz le Bègue, qui s'était déjà installé tout près de Bill, fit un saut en l'air. « Je ne veux pas être pendu. C'est mauvais pour la santé. »« Imbécile !» grogna le sergent. Il s'enroula dans son manteau car le froid était devenu piquant. Il ne se doutait pas qu'entre le prisonnier et Fritz le Bègue s'était échangé une conversation courte mais de suprême importance. « C'est moi, Bob, Bill, » avait dit d'une voix faible comme un souffle l'ami fidèle. « Je sais, je vous ai tout de suite reconnu, loyal Bob, » répondait Bill aussi bas. « Mais à quoi bon? Pourquoi mettre votre vie en danger sans pouvoir me secourir, mon bon ami? Chut, écoutez. » reprit Bob le sauvage. « Attention, voici une lime. Je vais la jeter près de vous. Avec, vous couperez vos chaînes. Faites vite. Il va y voir un feu si éclatant et si tonitruant comme vos oreilles n'en ont jamais entendu un pareil. Dès que ça va craquer et siffler dans l'air, je détache deux chevaux. J'ai déjà choisi les deux plus rapides. Et vivement nous filons et nous gagnons notre vie à la course, mon brave Bill. » C'est à ce moment que s'était produit l'appel du sergent. Obéissant comme un chien bien dressé, Fritz le Bègue s'était relevé et était allé s'étendre de l'autre côté du feu. Le sergent ne se douta pas qu'il était victime d'une comédie bien jouée et que Fritz le Bègue avait été sur le point de s'installer au lieu précis qu'il s'était fixé d'avance pour y reposer quelques très courts instants. C'était l'endroit le plus rapproché des caissons de munitions. Quelques pas seulement le séparaient de celui auquel Fritz avait attaché sa mèche en la recouvrant de poudre. Tout était tranquille dans le camp. Seul, le pas cadencé des sentinelles se faisait entendre. De temps à autre résonnait un bref appel où s'élevaient, comme des bruits de rêve, le hennissement et le ronflement sourd des chevaux, parfois un cliquetis d'armes ou le soupir plaintif du vent nocturne. Les soldats dormaient. Bill Cody regardait les étoiles et attendait. Avec une grande adresse, il avait ramassé sans être remarqué la lime que lui avait jetée son ami. Couché sur le côté comme s'il dormait, il avait pu arriver jusqu'à l'instrument et avait réussi à le saisir entre deux doigts de ses mains liées derrière le dos. Tournant la lime en travers de ses liens, il les avait rompus en se frottant dessus. Et les mains une fois libres, il n'avait pas été long à se débarrasser de ses autres entraves. Il avait ainsi repris possession de ses membres et de leur usage. Son cœur sautait si haut dans sa poitrine qu'il le sentait jusqu'à sa gorge. Il commençait à se douter du plan formé par Bob pour son salut. La seule apparition de cet ami lui avait déjà fait l'effet d'un souffle d'air natal venant le vivifier, mais les dernières confidences de l'honnête Bob lui avaient mis le sang en ébullition. Dans son excitation, il ne vit pas, de l'autre côté du grand feu de bivouac, le long corps de Fritz le Bègue se soulever avec précaution, puis se glisser à plat ventre, en s'éloignant toujours du foyer et en se rapprochant de la file des caissons perdus dans l'obscurité de la nuit. Les gardes du poste circulant machinalement autour du feu, ivres de sommeil, ne le remarquèrent pas davantage, non plus que le sergent qui ronflait avec force et qui, souriant aimablement dans son rêve, voyait peut-être les 12 appâts de sa bien-aimée. Bill lui-même avait fini par céder au sommeil et au rêve. Il marchait la main dans la main de Louisa à travers un champ plein de fleurs éclatantes, si variées de couleurs et si belles qu'il n'en avait jamais vu de semblables. Et chose étrange, leurs pieds ne portaient pas sur la terre. Ils se balançaient à travers l'air et Louisa lui faisait des signes de tendresse et disait qu'il s'en allait au royaume du ciel. Et il faisait plus clair, toujours plus clair autour d'eux. Un jour de soleil brillant et lumineux, où des gerbes de feu montaient, si éblouissantes que Bill devait fermer les paupières. Et alors, comme il se réveillait de ce demi-rêve, il se produisit une explosion qui le fit sauter en l'air. L'enfer avait-il brisé ses portes, ou était-ce l'aube du jour du jugement dernier? Tout craquait, tonnait, sifflait, mugissait dans un vacarme assourdissant, comme si les profondeurs de la terre s'étaient ouvertes pour engloutir toute vie. Une panique insensée se répandit dans le camp. Portant loin la mort, les grenades pétillaient et crépitaient à travers les tentes, faisant éclater et soulevant des caisses entières de balles, et les gargousses des canons tombaient avec un sourd fracas de bombardes parmi les soldats qui se tordaient dans leur sang et que la mort venait cruellement surprendre au milieu de leur sommeil. Paroles énergiques, appels, ordres des chefs, tout était vain. Éperdus, affolés d'effroi, les soldats se précipitaient en désordre, cherchant une issue et n'en trouvant pas. La mort, fauchant dans tous les rangs, changeait en ennemis acharnés des soldats qui avaient promis fidélité au même drapeau. Ils luttaient corps à corps dans leur empressement à fuir et à échapper, la vie sauve, à cette nuit infernale. Les soldats du corps de garde s'étaient sauvés en criant. Comme Bob l'avait calculé, la grande violence de l'explosion se porta vers le centre du camp. Des éclats isolés seulement étaient parvenus jusqu'au feu de bivouac et l'avaient aux trois quarts éteint. Mais les voitures de munitions qui brûlaient et dont à chaque instant une nouvelle sautait vers le ciel avec un fracas formidable répandaient la terreur et la ruine dans les tentes qui prenaient feu par fil, ce qui changeait la nuit en jour. Tout à coup, Bill Cody aperçut son ami. Il avait la face noire de fumée. Sa perruque, qui lui prêtait la physionomie idiote de Fritz le Beg, avait disparu. « Vite, vite !» chuchota-t-il en saisissant Bill d'une main vigoureuse. « Les chevaux s'effarent, l'occasion est brève et ne revient plus. À la faveur de ce premier terrible désarroi, nous allons risquer la fuite. » Bill Cody se sentit entraîné. Presque aussitôt, la robuste poigne de son ami l'enleva en l'air et l'instant d'après, il était sur le dos d'un cheval. Tout autour d'eux était vacarme et confusion. Pas une sentinelle ne les arrêta, c'était comme un camp envahi par l'ennemi. Criant de joie, Bob le sauvage se mit en selle. Dans un sentiment farouche de triomphe, il regarda derrière lui ce camp qui brûlait. « Dieu et tous les saints soient loués » cria-t-il exultant d'une allégresse qu'il pouvait à peine contenir. « C'est réussi. Ah, ces coquins penseront longtemps au feu d'artifice de Fritz le Beg. Ils ne vous pendront pas, mon cher Bill. Il faudra d'abord qu'ils vous rattrapent. Et maintenant, filons. Vous êtes abominablement fatigué, mon pauvre enfant. » « Je me l'imagine sans peine, mais c'est une question de vie ou de mort. Il faut courir. » L'émotion rendait Bill incapable de prononcer un mot. De même qu'il avait été un moment incapable de se contenir devant le cadavre de sa mère, de même l'extrême surexcitation où il se trouvait maintenant ne lui permit pas de se démener jusqu'au bout. Les sanglots le gagnèrent et, relevant les rênes, il se jeta sur la poitrine de Bob le sauvage, ému lui-même jusqu'au fond de l'âme. « Ami frère, je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, s'écria-t-il pendant que passait dans ses veines une délicieuse et chaude ondée. Ah, qui a vu la mort en face, comme moi? Oh, mon cher Bob, quelle récompense ne vous dois-je pas? Comment pourrais-je même vous remercier suffisamment? Mon cadet, vous avoir sauvé en vous arrachant à ces derniers trafiquants d'esclaves, voilà mon plus beau salaire. Nous serons bientôt quittes, je vous connais, et maintenant en avant. Il sonne déjà le rassemblement dans le camp, entendez-vous? « Je gage que les limiers seront tout à l'heure sur nos traces. Donnez de l'éperon à votre cheval, ça vaut de l'avoine pour le quart d'heure. Et filons, filons, mon cher Bill, c'est la course pour la vie. » Ce disant, il enleva son cheval et fendit la nuit. Bill suivit son exemple, sans se le faire dire une seconde fois. « Oh, délice, oh, félicité de voler de nouveau vers la vie, emporté par un cheval rapide !» Il allait revoir Louisa. Il pourrait courir chez ses sœurs. Il pourrait aussi se présenter au général Smith et lui communiquer ce qu'il avait vu dans le camp ennemi et ce que Don Ramiro avait confié au condamné qu'attendait le gibet. Il n'était pas encore à 10 minutes des derniers avant-postes lorsqu'une petite troupe qu'éclairait dans le lointain la lueur diffuse de la lune en train de s'évanouir, se fit visible, se dirigeant en droite ligne sur le camp. Avec son œil de faucon, Bill reconnut promptement des formes de femmes aux vêtements flottants dans ces personnes qui se hâtaient à leur rencontre. Elles paraissaient très pressées d'atteindre le camp ennemi. Bill Cody les fit remarquer à son ami. « Mon cadet, » dit Bob, « cela signifie qu'il faut nous écarter d'une portée de fusil pour nous mettre en sûreté. Qui sait ce qu'il y a derrière ?» Mais qui décrira la joie de notre jeune héros lorsqu'il reconnut dans ses femmes à cheval Louisa et sa sœur? Cependant, cette question traversa immédiatement son cerveau inquiet. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose pour que Louisa veuille aller chez les ennemis. Que s'est-il passé? De leur côté, ils avaient reconnu les deux cavaliers. Louisa fit un geste de la main et leur cria la bienvenue. Les jeunes filles étaient tellement émues de cette heureuse rencontre qu'elles ne remarquèrent pas que leur compagnon, Nat Golden, qui venait un peu en arrière d'elles, s'était subitement arrêté pour disparaître dans la broussaille. À la vue inopinée de son ami des anciens jours, il s'était senti gêné et il avait cru préférable de retourner tout seul à son régiment. La joie de se revoir était débordante des deux côtés et Bill eut bientôt appris quelle avait été l'inquiétude des jeunes filles et comment elles voulaient courageusement, pour l'amour de lui, se jeter dans le danger avec l'espoir de contribuer à son salut. Un tel esprit de sacrifice touchait Bill dans toutes ses fibres, mais Bob arrêta l'attendrissement par une plaisanterie. « Laissons cela pour l'avenir. Cette fois, vous n'auriez pas rendu un bien sensible service. À peine aviez-vous le temps d'arriver pour le dénouement du drame et pour assister à l'exécution de Bill. » La petite troupe reprit bientôt le chemin du retour. Malgré l'allure rapide des chevaux, les deux jeunes filles étaient tellement animées par la joie qu'elles ne sentaient pas leur fatigue. Il pouvait y avoir une demi-heure qu'ils chevauchaient ainsi lorsqu'un cri rauque et sauvage retentit derrière eux. « Arrêtez, coquin, ou je tire !»« Damnation !» s'écria l'honnête Bob, assez haut pour être entendu de Bill qu'il dépassait de quelques longueurs de cheval. Et Bill vit que son ami, sans rompre l'élan de sa course vertigineuse, jetait son cheval sur le côté du chemin. « Halte !» hurla la même voix. Il faisait de plus en plus clair et les choses devenaient visibles par places, dans le bois. Les pas précipités des chevaux lancés en pleine course faisaient résonner le sol de la forêt. Le cœur de Bill se serra. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-il possible que les ennemis, jetés dans un désordre si meurtrier, eussent déjà pris le vent et fussent en chasse derrière eux? Devait-il donc retomber aux mains de ces assassins? Non, jamais. Il se tuerait de sa propre main plutôt que de subir cette mort sans gloire sur le gibet à laquelle il était tout à l'heure encore si heureux de croire qu'il avait échappé. Des coups de feu retentirent. Une figure sombre qui s'était plantée devant Bob chancela et tomba. C'était un Indien. « À moi tous !» cria d'une voix de stentor le vaillant Bob. Il tirait à droite et à gauche là où une traînée de lumière lui laissait distinguer des silhouettes de cavaliers dans l'épaisseur de la forêt. De la main droite, Bill détacha la carbine que Bob lui avait donnée. Il voulait défendre jusqu'à l'extrémité sa vie et celle des êtres qu'il aimait. Bah, le nouveau danger qui surgissait était un jeu d'enfant auprès des horreurs qu'il venait de traverser. Deux, trois cavaliers indiens s'étaient jetés au-devant de lui. Pif, paf, un coup de fusil à droite, un coup de fusil à gauche. Bill n'avait pas pris le temps de viser. Il n'eut pas le temps non plus de savoir si ses balles avaient porté juste. Louisa et Elisa avaient, elles aussi, tiré le revolver des fontes et faisaient feu sur les peaux rouges qui les pressaient. Ils arrivaient toujours plus nombreux. De tous côtés, la petite troupe d'amis était cernée et le cercle se resserrait de plus en plus. Mais voilà comment le plus critique apparaissent des soldats du régiment de Bill. « Hurrah, Jennison Jayhawkers !» cria Bill enthousiasmé. En tête galopait le général Custer. « En avant, poursuivez votre course, fuyez !» cria-t-il aux deux jeunes filles, pendant que Bill faisait hésiter les Indiens sous son feu devenu plus sûr. Bob tirait bien lui aussi et faisait honneur à son surnom le Sauvage. Devant la supériorité accablante des forces militaires qui venaient d'arriver, les Peaux-Rouges abandonnèrent la lutte. Bientôt le lieu reprit son aspect habituel, si ce n'est que le sol humecté de sang et les cadavres des Indiens tués témoignaient qu'un combat acharné s'était livré là. « Je vous salue, mon général, » dit le jeune héros, « mais comment êtes-vous ici ?»« Je vous conterai cela demain, au conseil de guerre, » répondit Custer. « Maintenant, en route pour Leavenworth. Nous devons avoir une importante conférence avec le général Smith. Vive l'armée du Nord !» Ainsi s'achève Buffalo Bill, l'allié inconnu.